Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport complet de l'édition du 23 novembre. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant du classement POC. Comme on le fait tous les mercredis, on vous donne le classement POC. Donc les Hurricanes de Massouillache se retrouvent au 12e rang au niveau Bantam, les Rapides de Boumsesni au 18e rang et les Ambassadeurs de Pugamo sont au 91e rang. Niveau Midget, le Marcos Pop de Saint-Félicien sont au 2e rang. Et les ambassadeurs de Chicoutimi sont au 75e rang. Les Éperviers de Normandie au niveau junior occupent le 25e rang. Et les Sabres d'Orberval sont au 41e rang. Le projet du de Chicoutimi est doté d'une équipe de hockey pour l'automne 2018. Bas son plein et a fait d'énormes progrès au cours des dernières semaines. Le cahier de charge sera remis au regroupement Sport Québec très, très prochainement. Donc, on espère avoir une réponse pour commencer les activités à l'automne 2018. Fonder une équipe collégiale coûterait environ 180 000 $ et plusieurs hommes d'affaires de Saguenay ont été approchés et seraient prêts à épauler le projet financièrement. Donc, on parle des hommes d'affaires Hugo Gilbert, Éric Larouche, ainsi que l'ancien groupe des Saguenayens de Chicoutimi mené par Gabi Asselin. Il y a également le joueur des Stars du Minnesota, Antoine Roussel, qui s'est également engagé à aider l'équipe financièrement. Et l'entraîneur de boxe de Ville-Saguenay, Michel Desgagnés, a fêté récemment ses 50 ans d'anniversaire dans le monde de la boxe. On lui a parlé hier à danadosport.com pour parler un peu de qu'est-ce qui l'a motivé à faire autant d'années dans le monde de la boxe. Et voici ce qu'il a mentionné à ce qui obtient le plus de satisfaction pour Michel Desgagnés. Le moment que moi j'ai boxé, je pense qu'il me gratifiait, c'était que réussir à monter dans un ring, tu sais, me prouver à moi aussi que je combattais un petit peu cette peur-là, cette crainte-là, être capable d'aller se battre légalement là dans un ring, ça a été quelque chose là, de très gratifiant pour ma personne à moi. Après avoir fait plusieurs années, quand j'ai commencé à coacher, parce que j'ai perdu mon coach de bonheur. Je commençais à coacher. Je pense que le côté également, voir que j'étais capable d'enseigner quelque chose, de le montrer, puis que le jeune allait réussir à performer sur un ring. Et Michel Desgagnés parle de qu'est-ce qu'il a accompli le plus au cours de ses 50 ans. Et d'aller se battre légalement là, dans un ring, ça a été quelque chose là, de très gratifiant pour ma personne à moi. Après avoir fait plusieurs années, quand j'ai commencé à coacher, parce que j'ai perdu mon coach de bonheur, je commençais à coacher, je pense que le côté également, voir que j'étais capable d'enseigner quelque chose, de le montrer, puis que le jeune allait réussir à performer sur un ring, faire quelque chose. Ça fait que tout ça, ça me gratifiait, mais aussi le côté humain. J'ai commencé à travailler beaucoup, à enseigner, c'était le côté humain. Comment est-ce que, humainement, les jeunes ont besoin aussi que tu t'occupes d'eux autres, tout ce petit côté-là. Au fil des années, aussi le développement de l'athlète, réussir à l'emmener à un certain niveau, c'est extrêmement gratifiant. La petite tape dans le dos, à un moment donné, que l'athlète te remercie, puis qu'il gagne un championnat, des médailles, c'est un côté gratifiant extraordinaire. Ben oui. Je vous invite donc à écouter la section entrevue de danradiosport.com. On a justement parlé avec Michel Desgagnés, l'instructeur qui a fait 50 ans de carrière, qui a été fêté au cours du week-end. Également, je me suis entretenu avec Sébastien Morin, le descripteur des matchs des Saguenayens. Sport local et régional, à danradiosport.com, la référence du sport, on s'en occupe.